Dites bonjour à Santa Claus, parce que sinon vous n'aurez pas les cadeaux de Noël. Yes, clown. The boot clown. And sometimes there are three. GG, but he's not here. Bon, on fait un tarot ou une belote? Oh oh, Mickey, Phil, là, tu te calmes, hein? Ta guitare là. Klaus, have you something else on the... Non, GG, test. Il y a déjà un test. Alors comment on sait que c'est lui? Yes, we want another one. Mickey, testicule. Ben, l'IP peut commencer par un autre numéro, hein. N'importe quoi.